Micro ouvert. Trouver sur le net. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. Rendons hommage à tous les illuminés, les rebelles, les agitateurs, les originaux, qui nous ont permis de voir les choses autrement. Aucune règle ne les régit. Aucun statu quo ne les satisfait. Vous pouvez les citer, les dénoncer, les admirer ou encore les détester. Mais jamais vous ne pourrez les ignorer. Puisque ce sont eux qui changent les choses et qui poussent la race humaine au dépassement. Certains voient en eux de la folie. Nous, nous y voyons du génie. Parce que ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont souvent ceux qui le changent. Quand on voit en France, par exemple, des gens qui se disent de gauche, ben, c'est une salle d'attente pour... D'une certaine couche, quoi. La gauche, c'est une salle d'attente pour le fascisme. Eh oui, les exemples sont là, partout. Ben, tous les gens politiques, les personnages qui se disent de gauche, qui arrivent un jour au pouvoir, il y a trop de cons. Vous connaissez l'artiste de gauche? Vous. Dans ce qu'il fait? Vous. Ben non, dans ce qu'il fait, dans la technique. Dans son papier, dans sa plume, c'est ça que je veux dire. Et un jour, un député avec qui je dînais, puis des amis, le député s'appelle moi, qui m'a dit sans rire un moment, la loi, c'est l'autorité de la loi. J'ai vraiment eu envie de lui cracher dans la gueule. Ce type. Je voyais enfin devant moi, ce qui était curieux, c'est que je voyais un élu du peuple. C'est bien le foie gras, le truc, l'élu du peuple, tranquille, dans sa chaise, parfait, la cravate, machin. La bourgeoisie jusqu'au bord des yeux. Voyez. Ces gens qui se disent de gauche, c'est ce qui tue ce pays. Il n'y a pas de journaliste ici. Non, avec votre équipe, il n'y a pas de journaliste. Non. Parfait, parce que je ne vois plus de journaliste. C'est fini, je ne vois plus de journaliste de ma vie. J'en vois plus. C'est fini. Ils font trop de mal. C'est vrai. En gros, en général, quoi. Ils disent qu'on trouve tout. Ils racontent des conneries, toujours. Méchants. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur l'habitat léger? Voilà, c'est une bête phrase. Bon, mais moi, il y avait la première question, c'était habitat léger ou habiter léger. Et je crois que c'est plutôt une question de rapport au monde. Et ça ne veut pas forcément dire, comme tu le soulevais tout à l'heure, que c'est faut forcément manger bio et être dans la permaculture. Mais c'est plutôt... Je veux dire, les gens qui vivent dans des caravanes, ils sont très contents d'être dans une caravane parce qu'ils sont plus proches de la nature, plus proches de leurs voisins. Et que le rapport, même le rapport social qui est impliqué par la manière d'habiter, leur convient beaucoup mieux. Donc voilà. Et pour moi, l'habitat léger ou habiter léger, c'est vraiment une question de rapport, que ce soit en rapport au monde ou en rapport social. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je voulais rebondir sur l'intervention du juriste qui se disait, ben tiens, on voit très mal l'arrivée d'une yourte au milieu des villas quatre façades dans le lotissement Alan. Et je ne crois pas que ce soit forcément incompatible parce que les yourtes ou les caravanes, enfin peut-être moins les caravanes parce que les caravanes, encore une fois, c'est très très connoté, mais les roulottes, les yourtes, tout ça, ça peut faire très très chic. C'est un côté très chic, c'est un côté sympa. Et donc les gens, il y a beaucoup de maisons d'hôtes qui ont une roulotte au fond de leur jardin qui permettent d'accueillir des gens très luxueusement à 250 euros la nuit sans aucun problème. Et les gens payent, et les gens ont le sentiment de faire quelque chose de hors du quotidien, d'un peu extraordinaire. Mais pour eux, ça reste hors du quotidien et un peu extraordinaire. Et quelque part, c'est un peu mal perçu si ça devient le quotidien et l'ordinaire des gens. Parce que ça veut dire que des gens peuvent se permettre de vivre... Ça reste un peu un symbole de liberté, la yourte ou la roulotte. Hein. Ça reste avoir peu de choses, être peu dépendant. Et donc, il y a quand même tout un imaginaire qui est lié à ça. Et voilà, et je crois que, Alan, c'est tout à fait possible, et ce que je voulais redire tout à l'heure, c'était plutôt la question de qui habite cela. Et que c'est pas du tout une question de la forme que prend l'habitat, c'est la question de qui habite. Et c'est plutôt une question sociale et de rapports sociaux qu'une question de forme, d'habitat ou de forme de construction. Parce que quelque part, on se sert toujours des normes des normes urbanistiques ou de toutes les normes qu'on peut avoir à sa disposition pour chasser celui qu'on ne veut pas. Et celui qu'on ne veut pas, c'est celui qui n'est pas le même que nous, tout simplement. Donc voilà. Donc pour moi, habiter léger, c'est voilà. C'est peut-être s'autoriser à... C'est juste ça, c'est s'autoriser à vivre au quotidien ce que tout le monde rêve au quotidien. C'est s'autoriser à vivre autrement, ou peut-être vivre ce qu'on vit déjà, mais plus pleinement. Parce qu'on peut déjà vivre autrement sans habiter dans du léger, mais là, ça complète ce qu'on vit. Et c'est aussi, enfin, c'est vraiment une question de rapport, c'est pour ça que je parlais des gens qui habitent dans des campings. C'est vraiment, on remarque souvent qu'il y a une vraie vie sociale et qu'il est hyper importante. Et que quand on parle de retirer les gens ou bien de leur proposer des logements en dur avec peut-être deux chambres qui font toutes 12 mètres carrés, ils vont dire non. Ils vivent dans quelque chose de plus petit, mais parce qu'ils sont moins isolés socialement dans un camping résidentiel que dans une cité sociale ou enfin même dans les cités sociales il y a aussi beaucoup de rapports, mais c'est simplement la construction là qui permet d'avoir un meilleur rapport au monde. Et sans je crois que ce rapport là chacun l'entretient comme il l'entend. On peut manger au Lidl tous les jours et vivre dans une caravane et être très heureux de vivre dans du léger, comme on peut manger bio, cultiver soi-même et être vegan et très heureux de vivre dans du léger. Pour moi, ça n'a aucune importance, c'est juste enfin, je crois que c'est un rapport au monde, quoi. On est plus proche, tout simplement. C'est parti. Donc moi je suis super emballée de rencontrer Barbara. On se trouve aux rencontres d'aller en Belgique et on me parle de Barbara. Voilà. Et on me parle de Barbara parce que c'est une dame qui a fait une recherche il y a 3 ans, enfin, elle va raconter, sur les... Tu vas nous expliquer. Allez, petite rencontre. Est-ce que tu sais un petit peu te présenter ? Oui. Alors, je pense qu'on avait parlé de moi parce que, en fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai terminé un petit livre que j'ai écrit avec une collègue, Else, et avec un photographe, Marie-Françoise Plissard, et dans lequel on a... à travers des histoires de fiction et des cartes postales, des photos. Alors, on a voulu raconter un peu notre expérience il y a quelques ans, où on a passé pendant quelques mois beaucoup de temps sur des campings résidentiels en Flandre, plus précisément à Hofstad, près de Brabant flamand, où il y a beaucoup de gens qui vivent de façon plus ou moins permanente, il y a un peu de tout, sur des campings qui à l'origine étaient des campings résidentiels. C'est Hofstad, ça s'appelle aussi, c'est la plage de pauvres, on appelait ça, c'est à 20 km de Bruxelles. Et historiquement, il y a beaucoup de gens de Bruxelles qui passaient d'abord quelques jours sous des tentes, et puis petit à petit qui commençaient à passer toute leur été sur les campings qui à ce moment-là étaient en train de se construire, que c'est les gens même, les campeurs, qui souvent ont construit les campings, et petit à petit qui se sont transformés dans des lieux où il y a beaucoup de gens qui ont commencé à vivre de façon plus permanente dans des chalets, des caravans, souvent des caravans qui petit à petit se sont transformés en chalets et qui vivent là-bas de façon plus permanente alors, et qui aujourd'hui sont confrontés à des changements. Aujourd'hui en 2016 ? Bah, aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qu'on peut dire aujourd'hui depuis 20 ans. Quelque part, quand on a commencé d'abord dans les années 90, on a constaté qu'il y a des gens qui habitent sur ces campings. En fait, ça ne devrait pas avoir lieu. Petit à petit, ou parfois un peu plus, on a commencé à fermer les campings. Et qui finalement, comme résultat, qu'il y avait beaucoup de gens qui se trouvaient littéralement dans la rue. Puis on a dit non, il faudrait peut-être trouver une autre façon de faire face à ce problème, parce que voilà, c'est considéré comme un problème. Et puis, ils ont commencé à imaginer, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver de façon de régulariser ces lieux, certains d'entre eux. Quand tu dis « on », c'est qui exactement ? Parce que tu dis beaucoup « il » et « on », mais c'est qu'on comprenne, parce que sinon on s'y perd un peu. Oui. Alors quand je parle de la régularisation, c'est quelque part, il y a en Belgique, c'est matière qui se dessine plus par la région. Alors là, il y a la région flamande en coopération avec les provinces. Les provinces de Brabant flamand, il est particulièrement proactif à essayer de trouver à travers des changements dans les politiques d'aménagement de territoire, de trouver des autres solutions, comme il, alors quand je dis il, c'est plus des décideurs politiques, mais souvent ensemble aussi avec des gens qui sont plus des travailleurs sociaux et qui connaissent bien la situation depuis de nombreuses années. Ils ont commencé à réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on pourrait changer la situation sur le terrain. Et une des pistes qu'ils essayent de mettre en place, c'est alors de régulariser un certain nombre des campings. C'est-à-dire, souvent, les campings résidentiels, ils sont dans des zones, comme en région wallonne, qui attire beaucoup de gens qui sont là parce qu'il y a de l'eau, par exemple, qui c'est dans des domaines plus de récréation ou des domaines plus des zones de nature. Mais puis on a aussi pas mal qui se trouvent en fait petit à petit, comme il y a eu l'urbanisation des zones un peu partout dans les dernières 40 ans, beaucoup plus, mais le temps dont existent des campings, qui aujourd'hui sont quelque part entourés par des quartiers résidentiels. Alors là, on se trouve avec des campings qui sont des campings récréationnels dans des zones d'habitat. Et alors, tandis que tout le monde autour des campings habite là de façon légale dans plus des villas souvent, ou des maisons classiques belges, une maison, une voiture, unifamiliale. Tandis que c'est les gens qui habitent dans des chalets ou caravanes sur les campings, ils sont là de façon illégale. Alors, quand, face à ce constat, ils ont commencé à faire une différenciation entre différents campings. Ceux qui pourraient peut-être éventuellement dans un futur devenir des zones à habitat légal, et ceux pour lesquels il faudrait trouver des autres solutions, c'est-à-dire on veut les expulser parce qu'ils se trouvent dans des zones qu'il faudrait réserver pour récréation. Ça devrait être nouveau, je parle du point de vue des politiques. Et quand tu dis recréation, je ne comprends pas bien le mot. Alors par exemple, quand on imagine un camping... Le mot camping, normalement, quand on l'utilise, c'est pour parler des lieux où les gens viennent passer leurs vacances. Ils viennent passer peut-être tout l'été ou un week-end, mais pas dans l'idée d'y habiter. Ça, c'est alors des campings récréationnels. Okay. Ouais. Alors, des campings de loisirs, ou je ne sais pas comment on pourrait les définir. Quand on est alors face à ce constat, ben, il y a beaucoup de gens qui habitent ici dans certains campings qui d'origine c'était des campings où on venait passer l'été, mais maintenant en fait c'est des lieux d'habitat et tout autour c'est aussi devenu des banlieues ou des quartiers. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de légaliser alors ce type de camping? Alors, on parle là vraiment juste d'une partie de camping. En Flandre, il y a, dans les estimations, je pense, une 15 000 personnes. Je pensais un peu comme en région wallonne, des personnes qui aujourd'hui habitent dans un habitat léger. Et puis, face à cette idée d'aller régulariser et légaliser la situation d'un nombre de personnes qui habitent dans l'habitat léger, en fait, on est confronté avec pas mal des contradictions quelque part. Et c'est ça qui nous a intéressés et pourquoi on a commencé à passer du temps sur les campings et de commencer à parler avec les gens. Qu'est-ce qui vous a rassemblé et qui vous a préoccupé par rapport à ça? C'est quoi précisément? Alors, dans ce moment précis où on décide à travers des projets pilotes, ils appellent ça, alors dans la province de Brabant-Flamand, ils ont commencé à mettre en place des projets pilotes dans lesquels ils vont légaliser et régulariser l'habitat léger sur certaines zones. Et c'est un peu ce qui est aujourd'hui, dans la discussion de l'habitat léger, de ce que je comprends en région wallonne, il y a aussi cette réflexion, est-ce qu'il faudrait qu'on essaye d'aller vers quelque chose qui régularise, qui fait entrer ces zones dans le cadre légal, ou est-ce que c'est des autres types de reconnaissance qu'on est en train de chercher? Et là, alors, les campings sur lesquels j'ai traîné pas mal, c'est des lieux où c'est pas les habitants qui ont choisi de régulariser la situation, mais où l'État a choisi, on va essayer de trouver une façon de régulariser, légaliser cette situation, qui vient bien sûr aussi avec beaucoup de contraintes. Alors là, c'était notre idée là, c'était de mieux comprendre comment est-ce que c'est politiques qui se font quelque part où ils se font, dans des bureaux, et de confronter ça avec la parole des habitants. Mm-hmm. Et sans vouloir prendre la parole des habitants, parce que finalement, moi, j'ai jamais habité sur un camping, mais d'essayer de mieux comprendre comment c'est vécu pour les gens qui sont sur les campings. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'ils vivent là et comment est-ce qu'ils vivent l'insécurité et l'idée de plus de sécurité avec cette nouvelle politique. Alors c'est dans ce moment-là, quand je dis ce moment-là, c'est vraiment ce moment où les gens, ils ont été dans l'insécurité depuis très longtemps parce qu'ils vivaient dans un lieu, souvent ils sont domiciliés sur le camping, mais leur habitat n'est pas légal. En fait, souvent, la situation est ça. Et Alors quelque part, il y avait un espoir de pouvoir sortir de cette insécurité. Mais puisqu'on voit quand on discute beaucoup avec les gens, c'est que le fait de légaliser, ça crée des nouvelles insécurités. Et c'est ça qu'on pensait qu'il est intéressant de creuser. On a envie de savoir, c'est quoi le... Hein? Parce que t'as rencontré vraiment les gens et tu leur as posé des questions, comment ça s'est passé, etc. Quoi. Oui, tout d'abord, il y a d'abord le questionnement, pourquoi est-ce que quelqu'un choisit d'aller vivre sur un camping? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est par nécessité? Et souvent, c'est ni l'un ni l'autre, et c'est un peu trop facile de dire hein, celui-là, il habite là par choix, et celui-là, il habite où, celle-là habite là par nécessité. Déjà, quelque part, que souvent, les gens, mais ça, c'est spécifique dans cette zone-là, c'est des gens qui vivaient à Bruxelles, avant beaucoup de gens qui étaient à Molenbeek, et qui ont eu une envie de passer leurs vacances à Hofstaden et qui sont restés là-bas en fait petit à petit. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient tellement envie de vivre dans la nature? Déjà c'est le lieu, c'est bon, c'est une urbanisation comme une autre, ou est-ce que c'est par nécessité financière, ou qu'est-ce qui amène les gens à habiter dans ces zones-là? Et souvent déjà, il y a plein de raisons différentes. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils pensent que voilà, c'est chouette d'avoir un lieu à soi. Parce que déjà, les caravanes ou les chalets, les gens en général, ils sont propriétaires du lieu. Tandis qu'en ville, c'est inaccessible pour beaucoup de gens d'avoir un lieu à eux. Et toute la campagne, encore moins peut-être. L'idée d'avoir un lieu pour soi, parce que en général, comment ça se passe, c'est en fait le terrain des campings, il y a un propriétaire. C'est en général une personne privée qui est propriétaire d'un camping et qui va après louer des petits terrains de genre 150 mètres carrés à des personnes qui, eux, sont propriétaires de leur chalet ou de leur caravane. Alors, il y a cette idée d'avoir accès à un lieu pour soi qui est important pour beaucoup de personnes. Alors dans ce sens, on peut dire, voilà, c'est un choix de vivre là-bas. Mais souvent, voilà, je pense qu'il est quand même important de penser le choix entre quoi et quoi. Si on a le choix entre... déjà, il y a des gens qui ont la possibilité d'entrer dans un logement social ou qui ont habité dans un logement social, mais qui peut-être ont envie de bricoler ou qui ont des chats et des chiens et qui tiennent à ces animaux de compagnie et dans des logements sociaux. Il y a beaucoup de règles qui font qu'ils ne se sentent pas chez soi dans des logements sociaux. Après, il y a, par exemple, à Bruxelles, je ne connais pas les nombres exacts, mais il y a genre 50 000 personnes qui sont sur la liste d'attente pour avoir accès à un logement social. Alors, il y a clairement une manque de logements accessibles aux gens avec des petits revenus. Alors ça peut être aussi un choix. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui sont là parce que dans un moment dans leur vie, ils ont eu... des problèmes, je ne sais pas, une divorce qui se passe mal ou une petite entreprise qui fait faillite, plein de raisons comme ça qui font qu'on a besoin pendant un temps, peut-être un logement qui est vraiment très très peu cher. Et quand on arrive à trouver un caravane là, souvent ça répond à ce besoin. Alors, je ne pense pas qu'on peut vraiment... dire il y a telle personne qui vit quelque part par choix ou par nécessité. Et c'est quoi nécessité si on sent qu'on n'a pas envie de fonctionner dans la société telle qu'elle est? C'est aussi une forme de nécessité, ou est-ce que c'est un choix? C'est un peu trop facile pour dire je pense celui-là il n'a pas beaucoup d'argent alors il est là par nécessité, et cette personne-là a choisi de faire une vie plus près de la nature ou quoi. Mais Est-ce que c'est si important de savoir si quelqu'un le fait par choix ou par nécessité? Quel est le lien? Quel est la... Hein? Qu'est-ce qui se cache derrière cette question, en fait? Parce qu'au fond... Bon. Non, voilà. C'est pas tellement important de, peut-être de savoir ça, mais ce qui est quand même... ou pourquoi on pensait que c'était intéressant de s'intéresser un peu dans cette question, c'est qu'il y a peut-être une hypothèse que les gens sont là par nécessité, parce qu'ils sont pauvres, et alors il faudrait les aider. Il faudrait trouver une autre façon. Je pense que ça fait partie de la raison pourquoi on pensait que c'est intéressant de creuser un peu plus la complexité, pourquoi quelqu'un vit où il vit, et aussi si on est en train de... Si les services d'aménagement territoire, de logement et tout, sont en train d'imaginer de changer les cadres par rapport à ces lieux, c'est peut-être quand même pas mal aussi de comprendre un peu plus comment ils fonctionnent, les lieux, parce que finalement, les politiques, ils se font du point de vue de certaines normes qu'on a dans la société sur qu'est-ce qu'il y a un logement et comment est-ce que les gens ils doivent vivre et comment est-ce qu'ils ne doivent pas vivre. Et comme si on a les mêmes besoins, tout le monde, dans ce qu'on cherche dans un logement, je pense pour ça que c'est c'était pour nous important de complexifier un peu cette question, pourquoi quelqu'un habite quelque part. Puis je disais, voilà, le moment qu'on était sur les campings et qu'on a rencontré les gens, c'était un moment spécifique parce que justement le cadre légal était en train de changer. Alors, ce qu'on pensait faire, c'est de voir, oui, finalement, ces campings, ils existent, il y a des gens qui habitent dessus, et simplement expulser tout le monde, c'est peut-être finalement pas la solution non plus. Mais laisser les gens habiter là, dans l'illégalité, ça, on ne peut pas permettre en tant que gouvernement non plus, parce qu'il y a, en fait, on laisse vivre des gens dans une situation où c'est illégal de vivre. Et en plus, pardon. Barbara boit un petit coup. Et alors, en plus, il y avait quand même, par exemple, tous les services sociaux qui étaient impliqués ou qui sont impliqués dans cette opération légale. Il y avait quand même aussi un souci de qu'il y a pas mal de gens, comme j'ai expliqué avant, qui ont leur lieu, mais qui louent le terrain sur un camping d'un propriétaire privé, qui sont très dépendants de celui qui est le propriétaire du terrain. Alors si le propriétaire du terrain décide d'un jour à l'autre, celui-là j'aime pas ou... cause trop de problèmes ou ça, il a le droit de les mettre dans la rue parce que finalement, ils ont des contrats, souvent les contrats qui existent, c'est des contrats très précaires dans le sens c'est des bails de un an et il n'y a pas vraiment des clauses qui protègent le locataire. Alors dans un souci aussi de droit au logement, il y a aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui sur la façon dont les campings fonctionnent. Alors c'était aussi une façon où c'était dans l'idée de créer plus de sécurité pour les gens qui sont dépendants des propriétaires, qu'on voulait légaliser la situation. Alors il n'y avait pas juste une logique, je pense. Il y avait une logique qui est maintenue et qui est quelque part une protection des locataires. Et il y a l'autre logique qui est il faut bien arranger le territoire et pas faire habiter les gens là où ils ne doivent pas habiter et de façon plus dans les normes. Alors qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a dit il y a alors certains campings qui vont devenir des zones d'habitat, mais ça va être des zones d'habitat de logements, disons, c'est pas des logements sociaux, mais des logements ou des lieux de vie, d'habitat à l'extérieur ou quelque chose. En fait, ce qu'on voulait faire, ça s'appelle social but en irlandais. Et l'idée, c'était, on veut quand même garder quelque part ce cadre de vie que les gens ils ont quelque part choisi comme camping, et de le régulariser sans le détruire. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On va garder par exemple les petits lots de 150 mètres carrés, mais on va faire que les chalets et les caravanes qui sont en mauvais état, qui sont pas dans les normes de l'habitat, on va les transformer petit à petit dans des chalets qui seront plus petits que des logements traditionnels, disons, mais qui sont d'une meilleure qualité, qui sont plus proches de la norme, quoi. Et alors, petit à petit, on a commencé à faire ça, mais on n'est pas loin, hein. Il y a quelques projets pilotes comme ça. Mais ce qu'on voit apparaître aujourd'hui, et aujourd'hui d'ailleurs dans le rencontre de Habitat Léger, ici à Porcheresse, il y a aussi des gens qui ont témoigné de leur situation qui est très similaire à ce que on a pu constater. C'est des propriétaires en fait qui comprennent que, ah oui, mais si en fait mon camping ça devient une zone d'habitat, je pourrais en fait monter les prix parce que les gens sont plus dans l'illégalité. Alors il y a cette sécurité. Et ils voient aussi que ça va attirer des gens qui ont plus de moyens. Alors, ce que le monsieur il témoignait ici aujourd'hui, c'est qu'ils veulent construire des logements, mais qui, dans ce cas-là, c'était des logements qui se louent à 500 euros par mois. Mais c'était des petits logements, alors c'est beaucoup trop cher pour beaucoup de personnes. Ou dans des autres lieux, j'ai vu des propriétaires qui commencent à construire des chalets avec des entreprises spécialisées. C'est des chalets de 60 mètres carrés peut-être, mais hyper modernes, disons, et qui se vendent à 120 000 euros, et qui est très cher, et tandis que le propriétaire du terrain, il reste propriétaire du terrain. Alors c'est une situation très précaire pour les gens, mais en même temps, ça devient des logements très très chers. Alors c'est les autres personnes qui vont pouvoir se permettre de vivre dans ce cadre-là, et ceux et celles qui habitaient dans les campings, ils vont être obligés de partir. Alors c'est quelque part ce qui se met en place, c'est la spéculation sur les campings ou la gentrification qu'on observe dans les villes, où on met des politiques publiques en place qui permettent à des gens avec plus de moyens de se sentir bien dans un quartier, mais qui fait changer le quartier, mais qui fait aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui dépendaient de ce quartier comme lieu de vie, et justement parce qu'il n'était pas cher, qui se voient obligés de partir. Et ce phénomène-là, il risque de se reproduire maintenant dans les campings si on va les régulariser. En fait, les gens qui ont... Que justement, et pourquoi, c'est important de comprendre pourquoi quelqu'un habite sur un camping. Si quelqu'un habite sur un camping parce que un logement social où il faut être dans les normes, il faut suivre les règles, et il faut vivre un peu comme les normes nous dictent, ça leur convient pas. Cette liberté, cette zone grise, comme on peut dire, elle disparaît si on va légaliser une situation. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant à creuser aussi avec le collectif Aller. Maintenant, si on est en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on veut demander de reconnaissance, est-ce que c'est à travers de légaliser la situation, c'est légaliser la situation pour qui? Alors, ce qu'on voit dans les projet pilote alors en Flandre, c'est que ça, oui, légaliser, ça bénéficie à certaines personnes, mais il y en a plein d'autres, en fait, pour qui ça donne l'effet contraire. C'est quand on va faire entrer quelque chose dans les normes, même si on adapte les normes, on fait des nouvelles normes pour des campings et pour habiter sur les campings, on intervient dans la situation change, et ça fait qu'il y a Oui, de nouvelles exclusions qui se mettent en place, et ça c'est quelque chose, je pense, à laquelle on va bien réfléchir si on revendique. Oui, la légalisation, je ne sais pas si on revendique la légalisation, peut-être ce n'est pas ça. Quand on revendique la reconnaissance, c'est à travers de quels moyens ? C'est une question. Ah non, c'est super intéressant, je t'ai bien suivi, bien compris, enfin je l'espère. Mais du coup, c'est quand même incroyable, je sais que c'est très naïf de penser ça, mais soyons simples, c'est quand même incroyable cette histoire de laissons, il y aurait une phrase comme ça de dire, mais laissons les gens vivre comme ils ont envie. Alors évidemment, pas tout et n'importe comment, hein, parce qu'il y a tout de suite des gens qui vont dire, oui, mais si on laisse les gens faire, ce sera le bazar. Et bon, mais faisons-nous aussi confiance. Enfin, je veux dire, on n'est pas, hein. Et ouais, ce que ça raconte, c'est super important de le savoir. C'est vrai. Du coup, ça, en légalisant, on exclut toute une frange de la population. Et puis, comme on aurait tendance à regarder que son nombril, on regarde même pas là-bas comment ça se passe, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est super important ce qui se dit là, maintenant. Oui, on exclut des personnes, on exclut des pratiques. Je pense que c'est surtout ça, c'est quelle pratique on trouve acceptable ou non. Parce que c'est ça qui se passe, finalement, quand on va légaliser, on va de nouveau mettre des... On ne va pas dire juste « laissons faire les gens ». Par exemple, j'ai visité une fois une espèce d'éco-village en Pays Galles. Et là, les gens, ils ont réussi à avoir une exception dans l'aménagement du territoire. Alors, ils ont parvenu à avoir une exception pour pouvoir mettre en place le projet de vie qu'ils avaient en tête. Un projet de vie, je pense, qui est intéressant, qui voulait vivre plus en autarcie, voulait vivre plus en autonomie, et ils ont réussi à le construire d'une manière, je pense, mais en même temps, l'État a mis, alors oui, vous pouvez le faire, mais on va vous mettre des contraintes. Il y a des contraintes genre assez intéressantes, qui ne peuvent pas travailler à l'extérieur de leur lieu de vie plus de autant de jours par mois pour réduire le nombre de kilomètres qui se font en voiture, où ils doivent installer des systèmes énergie et d'eau qui ne sont pas connectés justement avec le grid officiel. Et tout ça, c'est quelque part, c'est intéressant. Mais après, quand on y pense et on dit, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Alors, si on est un bon citoyen, finalement, qui va vivre dans les nouvelles normes écologiques, alors là, on est en train de construire un projet intéressant. Alors, on va permettre à ces gens-là de vivre sur ces zones-là. Mais si quelqu'un construit son projet de vie de toute autre manière, dans l'habitat léger, en fait, ça ne rentre pas dans cette vision écologique qu'on a peut-être plus tendance à suivre aujourd'hui. Alors ça, non, là, on va dire non. Et voilà, l'exemple que je viens de citer, il n'est pas en Belgique, hein, mais je pense que c'est intéressant de voir quand même ce genre de choses pour penser bien, voilà, ok, c'est peut-être plus complexe de ce qu'on peut imaginer. Mais toi, Barbara, pour qu'on comprenne, oui. Donc toi, c'est une recherche que tu as faite il y a 3 ans, c'est ça ? Et c'était quoi l'étiquette ? C'est quoi ta fonction, en fait ? Chercheuse en quoi, en fait ? Tout d'abord, je pense que je suis une personne, comme tout le monde, une personne qui se pose beaucoup de questions. Et je suis, en fait, ingénieure agronome de formation. Mais puis, petit à petit, je me suis intéressée beaucoup plus dans des approches sciences sociales, sur des questions de société et de comment est-ce qu'une question politique se transforme en question technique. Et quelque part, c'est ça qui se fait. En fait, à quoi on est confronté, c'est un choix de société. comment est-ce qu'on on veut vivre. Et ça peut être comment est-ce qu'on veut vivre, mais comment est-ce qu'on veut manger, des questions que je travaille plus. Et comment est-ce qu'à travers de la science et à travers des politiques publiques, on transforme ça en simple question technique. Et en faisant ça, en fait, on fait abstraction de toutes les questions de société qui sont derrière. Et alors, dans mes travaux de recherche, j'essaye de rendre ça visible. Et cette recherche, il y a moyen de se la procurer? Comment? J'imagine qu'il y a des écrits et tout ça. Alors, pour ce projet particulier sur les campings résidentiels, ce qu'on a fait, en fait, quelque part, on s'est confronté très vite aux limites de la communication de recherche. En fait, comment est-ce que, normalement, quand on fait de la recherche et puis on produit des articles scientifiques qui sont écrits dans un certain langage et qui doivent suivre certaines normes aussi, comme normes, et on trouvait pas... On s'y trouvait pas. On n'avait pas l'impression que ce qu'on avait envie de communiquer, de raconter, qu'on arrivait à faire ça à travers des articles scientifiques classiques. Et c'est là qu'on a alors d'abord laissé reposer le projet pendant un temps, et après on a transformé tous les histoires qu'on avait collectionnées en histoire-fiction. Et alors on a écrit un petit bouquin, avec trois histoires courtes qui racontent la vie des femmes, des trois femmes, avec une jeune femme, une femme très âgée qui est là depuis longtemps et une femme qui est gérante d'un camping. Et on l'a publié en livre qui, on peut le procurer, il s'appelle Camping Paradiso. Et on l'a écrit en fait en néerlandais, mais après on l'a fait traduire aussi en français, alors il est bilingue. Justement parce que, tout d'abord, la majorité des gens sur les campings en Brabant flamand, c'est des francophones en fait. Et c'est aussi, ça serait absurde de faire quelque chose alors qu'il ne serait même pas accessible pour les gens qui ont contribué à cette recherche avec toute leur histoire, et d'être super ouverte en fait, de vouloir partager avec nous leur histoire. Et aussi parce qu'on a bien compris que c'est un peu peut-être dommage si comme souvent en Belgique et autour de Bruxelles, on se heurte à la barrière linguistique, tandis que en fait, pourquoi les gens habitent en camping en Brabant flamand ou en Hainaut ou je ne sais pas où, souvent c'est à l'origine de la spéculation immobilière qui se passe à Bruxelles ou dans des autres villes belges. Alors de rendre ça accessible et de créer un débat qui va au-delà de ses frontières. Parce que finalement, comme je disais, quand on fait la recherche scientifique, et puis on va écrire des articles scientifiques dans des revues scientifiques, c'est une façon très... qui exclut. C'est écrit dans un langage qui n'est pas accessible. En fait, ça se trouve sur Internet, mais si on n'est pas connecté dans une bibliothèque d'une institution universitaire, on n'a pas accès à ce genre d'articles. En plus, ils ne sont pas lus souvent. Et ce qu'on a voulu faire, c'est quelque part contribuer au débat public. Alors on s'est dit, on va écrire ça de manière qui est plus accessible. Et dans l'idée, beaucoup c'était de donner ça comme cadeau à beaucoup des gens qui sont confrontés sur leur territoire, des bourgmestres, des gens dans des administrations, avec des campings sur leur territoire et qui ne savent pas très bien quoi en faire. Ouais. Alors, je pense que ça a quand même du sens, ou ça avait du sens pour nous, et ça l'a toujours, de venir avec un petit bouquin qui est joli, et aussi grâce aux images qui sont là, il est bien soigné, et de dire, voilà, on a essayé de mettre une autre lumière sur la problématique, comment on le définit, des campings résidentiels. Mais donc, si je résume bien, pour reprendre, parce que là, on parlait un petit peu de la diffusion, donc c'est assez intéressant, hein, ça me botte. Hein. Non, mais c'est chouette d'avoir cette vision comme ça, de penser quelque part aussi à la différence. C'est ça que ça raconte aussi, c'est accepter qu'il y ait des gens qui vivent autrement, pourquoi ils vivent autrement, de comprendre qu'est-ce qui se joue. Tu me dis si j'ai pas... Et de dire aussi, en fait, que il faut faire attention quand on demande de réguler ou de mettre des nouvelles normes, de pas tomber dans le piège que, du coup, ça cadenasserait une idée toute faite qui empêcherait à d'autres gens de venir dans cette idée toute faite. Ça exclut, en fait, d'autres catégories de gens. Voilà. C'est quelque chose comme ça ? Oui, je pense que c'est un bon résumé. Et comme je disais, je n'ai pas vraiment des propositions, mais c'est quelque part quand on commence à créer des catégories. Créer des catégories, c'est aussi créer des exclusions. Et ça se passe tous les jours, hein, je pense. C'est pas seulement à travers des cadres légaux, hein, on fait ça tous les jours, mais c'est de ne pas oublier ça et de rendre ça visible. Ça, c'est certainement une chose, ouais. Que finalement, et plus spécifiquement pour ce qui est les politiques publiques et pour ce qui est des cadres légaux, il est supposé de quelque part refléter ce qui vit dans la société, mais beaucoup plus il donne forme à la société. Je pense que c'est lui qui va cadrer comment nous on doit vivre, comment on doit manger, comment on doit se déplacer, penser, travailler, vivre, quoi. Et en même temps, il s'adapte petit à petit si les pratiques de vie ils sont trop loin du cadre existant. Mais il s'adapte aux pratiques de vie de qui ? Et il n'y a rien à faire. Quand on regarde c'est qui le décideur politique aujourd'hui, c'est qui les gens qui travaillent dans les aménagements, de services d'aménagement territoire, d'administration, c'est majoritairement une classe de personnes blancs, classe moyenne, souvent des hommes, qui vont décider pour tout le monde. Qu'est-ce qui est la façon de... Mais bien sûr, ils voient le monde à travers de leurs yeux, comme chacun regarde le monde à travers de ses yeux. Mais... Sauf qu'eux, ils ont peut-être tendance à plus imposer leurs idées, du coup. Oui, sauf qu'eux, ils ont beaucoup plus de pouvoir, et finalement, beaucoup plus de pouvoir à modéler comment les règles se mettent en place. Et alors, c'est pas étonnant qu'après, on se retrouve avec des règles qui organisent la société d'une façon qui convient très bien à une partie de personnes et pas du tout à tout le reste. Ouais. Et pourtant, je trouve dans les médias, justement, hein, puisqu'on fait de la radio ici, là, maintenant, c'est très peu représenté aussi, et de moins en moins, hein, il y avait les ouvriers, ils sont de moins en moins visibles, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais on focalise moins sur ces gens, on leur donne moins la parole, on fait comme s'ils n'existaient pas, on est plus comme ça dans une représentation du monde, tu sais, plus branché, enfin voilà, justement, cette catégorie de gens qui... Je pense que les médias, comme les universités, aujourd'hui, ils fonctionnent plus sur une manière entrepreneuriale dans laquelle il y a le marché qui va... on va essayer de faire jouer le marché sur comment fonctionnent les médias. Il y a les mécaniques de marché qui vont aujourd'hui aussi définir comment l'université, l'éducation fonctionnent. C'est en fonction de de où est-ce qu'on trouve le financement et aussi en fonction de avec quel type de recherche on peut attirer des entreprises qui vont faire que la Belgique a une économie de connaissances et des croissances en croissance. Et alors, si on laisse jouer les mécaniques de marché dans les médias, dans l'éducation, on va, bien évident, ça va changer les types de questions qui se traitent là, ce qu'on a envie d'entendre et ce qu'on a envie de travailler, plus que les autres. Mais dis-moi, Barbara, parce que j'ai entendu, sauf si tu ne vas pas en parler, mais tu as l'air d'être une sacrée nana, dans le sens que j'ai entendu sans vraiment tout comprendre, mais... t'aurais aussi, là on passe un peu à un autre sujet, bien que ça fasse partie, je pense, de tout ce qu'on discute quand même. Tu as été contre les OGM, mais tu as été vraiment activiste au point d'avoir des soucis avec la justice. Tu as été aussi, c'est tout, hein, moi je viens de l'apprendre, je ne sais pas plus, tu as aussi été virée de ton boulot, enfin, tu peux un peu... Super nana, quoi, non? Enfin, moi, je trouve ça... Allez, aujourd'hui, des gens comme ça qui prennent vraiment position entièrement, c'est plutôt rare. Ben, je pense que cette histoire, ça recoupe un peu avec ce que je disais avant par rapport au logement et comment, pour moi, les choses se croisent. C'est que quand on présente des choix de société comme des choix techniques et en termes d'agriculture et nourriture, je pense que les OGM, les organismes génétiquement modifiés, ils sont vraiment un cas exemplaire là-dedans. Où on va, en fait, finalement, la question est comment est-ce qu'on veut se nourrir et comment est-ce qu'on parvient à se faire nourrir, c'est qui contrôle ce qu'on mange et ce qu'on mange pas. Et les OGM, c'est une manière de contrôler ou de faire contrôler ce qu'on mange et ce qu'on mange pas par des grosses multinationales. Et le rôle de l'université et de la recherche scientifique, elle est très grande là-dedans parce que c'est eux qui sont en train de développer en coopération avec l'industrie. Ce type de produits. Et alors, comme je disais, je pense qu'il est important qu'on garde bien les yeux ouverts en disant, en fait, c'est des choix de société. Comment est-ce qu'on veut se nourrir? Et en tant que chercheuse et avec une formation d'ingénieur agronome, justement, c'est une frustration énorme que de voir comment est-ce qu'en fait on est en train de formater les jeunes à travers de l'éducation. Moi-même, je pense que j'ai plus perdu l'esprit critique pendant les années à l'université que d'avoir appris à penser. Parce que finalement, on est formaté en tant qu'ingénieur dans lequel on pense que en tant qu'expert, on a plus de voix que quelqu'un d'autre. En fait, on est éduqué pour croire que, qu'on peut comprendre le monde à travers des livres déconnectés des pratiques des terrains. Et en plus, on peut le modeler selon ce qu'on construit dans notre tête et dans notre laboratoire. Et c'est suite à cette frustration que j'ai commencé à être engagée dans un collectif qui s'oppose, Field Liberation Movement, qui s'oppose à l'introduction des OGM dans les champs et dans nos assiettes. Et qui, plus précisément, comme on est en Belgique où il n'y a pas des cultures des OGM, mais où il y a l'université qui est en train de mettre en place des essais des OGM en plein champ, en coopération avec l'industrie, pour quelque part préparer notre futur qui sera basé sur des cultures d'OGM. Et là, je pense que ce qu'on a voulu faire, c'est faire connaître cette histoire à beaucoup de personnes. Et alors, c'est pour ça qu'on s'est décidé à en fait, arracher des patates OGM et de les remplacer par des exemplaires patates bio qui ont aussi une bonne résistance contre le mildiou, parce que l'histoire c'était que ces patates OGM ils vont amener la solution contre le mildiou, tandis que voilà, bien sûr, ce qui est vraiment quelque chose où on doit réfléchir, c'est quel modèle on est en train, sur quel modèle agricole on est en train de construire notre société ici. Et en avoir pris la parole, je ne dis pas la porte-parole, mais une des porte-paroles dans une action comme ça, en fait, on m'avait mis devant le choix. En fait, soit tu es chercheuse, soit tu défends la violence contre la science. Parce que si tu défends un arrachage des patates OGM sur un essai scientifique, en fait, ce que tu fais là, c'est que tu incites les gens à la violence contre la science. Alors, soit tu fais ça, ou soit tu es chercheuse. Mais comme il fallait choisir, on ne pourrait pas être engagé et avoir peut-être des idées un peu, des idées fortes ou des idées qui rentrent pas dans les normes, et en même temps travailler dans une université. Alors c'est ça qui a mené au licenciement. Alors quand on m'avait posé, ou on m'a mis devant le choix de soit retirer mes paroles, ou soit je verrai bien qu'est-ce qui se passait, qui s'est transformé en licenciement pour faute grave. Et alors ça veut dire qu'on est mis à la porte d'un jour à l'autre de son boulot, pour finalement un engagement dans mon temps libre. Alors ça fait poser déjà en termes de le droit de l'employeur d'intervenir dans la vie privée d'une personne, ça pose déjà des problèmes. Mais au-delà de ça, en fait, c'était très intéressant cette histoire, parce que ça fait que beaucoup de gens ont commencé à se faire plus de questions, je pense, pas seulement sur les OGM et sa place ou non dans l'agriculture, mais aussi sur le rôle de la recherche publique dans notre société. Et ça fait 5 ans cette histoire, mais ce qui est aussi intéressant, et là je reviens en arrière un peu par rapport à la question avant avec les médias, ce qui est intéressant, c'est dans ce moment-là, dès que les médias ils ont compris que j'étais licenciée, en fait, ils se sont commencés à s'intéresser vraiment dans l'histoire, et de façon vraiment très moche. C'est un peu comme des hyènes ou des qui cherchent leur proie, et ils ont vu, ah oui, là il y a une histoire qui peut vendre, et là ils en sont commencés à s'intéresser dans l'histoire. Tandis que dans les premiers jours après l'arrachage des pommes de terre OGM à Wetteren, au moins en Flandre, la façon dont on était portraité, c'était hallucinant, quoi. On était des criminels, c'était des anarchistes. C'était en tout cas, de nouveau, hein, comment on va portraiter les gens, ceux qui ne rentrent pas dans les normes. Et c'était portraité d'une manière comme, voilà, c'est des criminels, c'est du vandalisme. Il y avait un refus complet de voir qu'il y avait une revendication politique derrière le choix de finalement faire un acte illégal, comme aller habiter quelque part où on n'est pas censé d'aller habiter, mais en bonne connaissance des choses et en conscience de ce qu'on est en train de faire, justement parce qu'on dit les cadres, ils ne nous représentent pas, ils ne nous va pas. Alors, si le cadre ne nous va pas, est-ce que nous on s'adapte, ou est-ce qu'on essaye de transgresser les lois dans ce moment-là? Et tout ça, ça c'est devenu alors une histoire qui a, je pense, fait penser beaucoup de gens. Il y a pas mal de gens qui ont pensé, alors, en fait, c'est les impôts qui payent la recherche publique, qui après va travailler ensemble avec des entreprises multinationales pour fabriquer des OGM. Est-ce que c'est ça qu'on pense que c'est ce qu'on a besoin de, ou est-ce que c'est peut-être autre chose? Alors ça a soulevé beaucoup de questions autour de la recherche et la place de la science dans la société. Est-ce que je pense qui est, pour moi, parce que ça m'intéresse, mais je trouve important dans un moment où on donne vraiment beaucoup de ou trop de pouvoir, je pense, aux experts techniques, et dans lequel on a tendance à vider les choix de société, comme je disais, les revendications politiques qui sont derrière. Alors c'était une façon de faire ça visible qui a sur des autres plans qui a foiré, parce que finalement ce qui s'est passé également, c'est qu'ils nous ont d'abord accusés, après condamnés pour bande de malfaiteurs. Alors ça a soulevé aussi pas mal de questions justement sur le fait de ne pas accepter une pratique, une politique qu'on pensait injuste, et c'est quoi les conséquences qui viennent avec. C'est une façon de criminaliser et de mettre l'exemple aux autres. Il ne faut surtout pas essayer de faire ça, parce qu'il y a ça qui va vous arriver. Et c'est ça certainement, je pense, que pour en revenir à l'habitat léger aussi, quelque chose qui se passe. Il y a une espèce de stigmatisation des gens, comme c'est pas ça qu'il faut, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, et c'est une façon de pas forcément rendre invisible, mais de marginaliser une bonne partie de la population. Et aujourd'hui, là, maintenant, parce que tout ça, c'est un peu, je sais pas, ça date, cette histoire de, bon, il y a ta recherche, puis cette histoire d'être licencié pour un, il y a déjà du temps qui est passé, j'imagine. Aujourd'hui, comment tu te repositionnes? Est-ce que c'est comme si, bon, quoi, tu vas, hein? Comment est-ce que tu te positionnes aujourd'hui? Alors, ça fait 5 ans maintenant, le moment que j'étais licenciée de l'université. Après, j'ai continué à faire un peu de recherche et surtout beaucoup de travail pour tous les débats publics et tous les cas judiciaires qui ont suivi de cette histoire. Et en même temps, dans une réflexion permanente, est-ce que je voudrais encore retourner à l'université, même si je pourrais? Puis il y a eu des campagnes de solidarité, des collègues et tout ça. Et finalement, quand le recteur a changé, ils ont aussi obtenu que lui, il était prêt à dire qu'en fait, non, c'était une erreur de l'université. Alors, ils m'ont réinstauré dans l'université. Dans un premier temps, que j'ai certainement accepté, je pense que c'était symboliquement important de rentrer avec la tête haute dans l'université. Et depuis, j'ai décidé de quand même dédier une partie de mon temps à la recherche au sein d'une institution. En fait, je travaille à mi-temps aujourd'hui dans l'université. Quelque part aussi parce que, pas seulement, j'aime bien faire des questions, et aussi, quelque part, j'ai quand même encore envie aussi de poser ces questions de c'est quoi la place de la science dans la société, aussi de dans les universités. Et de c'est là où il y a plein de jeunes, ils passent par là et ils vont se faire former et formater, en fait, dans des bons managers. Et est-ce que c'est ça la fonction de l'éducation? Peut-être il faudrait tout à fait autre chose, hein. Je pense que une éducation beaucoup plus intégrale, transversale, et peut-être ça serait pas à l'université que ça aura lieu. Mais entre-temps, je passe quand même une partie de mon temps là-dedans. tu continues des recherches, quoi. Voilà, c'est ça que tu t'expliques. Oui, notamment pour l'instant, je travaille plus sur des questions où il y a des projets de recherche dans lesquels on essaye de faire dialoguer des connaissances et savoirs de toute autre nature, des acteurs de terrain qui coopèrent avec des chercheurs dans une réflexion autour de systèmes alimentaires en région bruxelloise et comment est-ce que on peut arriver à une nourriture de qualité pour des gens en difficulté ou comment est-ce qu'on peut arriver à produire et avoir des espaces, jardins de production alimentaire en région bruxelloise. Et là-dedans, il y a, c'est pas évident, il y a les chercheurs plus classiques qui vont entrer en co-recherche avec des acteurs de terrain pour réfléchir ensemble. Et je pense que c'est ça finalement qui j'aimerais peut-être encore croire qu'il peut être un chemin en avant, c'est de peut-être réinventer comment est-ce qu'on peut réfléchir ensemble. C'est quelque chose qu'on a perdu. On a du mal à faire des choses ensemble en général, mais de réfléchir ensemble face à des problématiques comme celle de l'habitat léger, en fait. Et là-dedans, je pense qu'il y a peut y aussi avoir une place pour des chercheurs qui ont envie de passer leur temps à creuser une question jusqu'à à l'éternel, mais sans qu'ils aient une place au-dessus des autres, mais juste qu'ils font partie d'un paysage des gens qui sont confrontés à une situation complexe pour laquelle ils cherchent à trouver des façons de faire. Et c'est ce que je fais maintenant. Ouais, j'aurais envie de dire comme des chercheurs qui creusent une question jusqu'à la rendre concrète pour se faire virer, quoi. Et éternellement, hein, c'est vrai, quoi. C'est très concret, hein. T'as été dans le concret du... Enfin bon, ok, tu continues chercheuse et tu crois encore que tu peux amener des choses là-dedans, quoi. Ou alors tu vas peut-être te soumettre un peu plus et tu vas, en grandissant, accepter plus de normes, justement. Hein, parce que... Pour l'instant, je pense que j'essaye d'amener ce que j'ai appris dans la recherche, dans toutes les choses dans lesquelles je suis engagée, et en même temps d'amener mon engagement militant au sein de l'université. Allez, bonne continuation. Et c'est chouette qu'il y ait des gens comme toi. Hein. C'est chouette. Merci. Merci, hein.